Les Tati Geeks en vacances. Depuis 2 ans, Tribidou, un petit groupe de Tati Geeks, novices et chevronnés, se réunit pour s'apprendre à créer et administrer des serveurs, ou plutôt des serveuses. Un serveur, ou une serveuse, c'est un ordinateur accessible à distance, installé pour offrir des services. Ça peut être stocker des données ou faire tourner des programmes. Comme par exemple le logiciel LibreTime, qui permet de programmer la web radio de Radio Rageuse, que vous avez peut-être eu l'occasion d'entendre en juillet pendant les rencontres Radio Rageuse 2022. Tout ça en mode do-it-yourself, avec des vieux ordinateurs récupérés, plutôt que de passer par de gros hébergeurs commerciaux qui louent des espaces dans leurs serveurs situés dans des data centers. Un beau jour, les Tati Geeks de Tribidou ont découvert qu'il existait un monde incroyable, un réseau international de serveuses féministes connectées entre elles. Un peu comme la nébuleuse d'émissions de Radio Rageuse, qui rassemble des collectifs qui font des émissions féministes dans plein de villes différentes. Un réseau de serveuses pour s'entraider, se former, échanger des services, construire des infrastructures féministes de l'Internet. Alors cet été, les Tati Geeks de Tribidou sont partis à leur rencontre. Ça s'est passé en Espagne, en Catalogne, à Calafon, un lieu collectif autogéré post-industriel gigantesque au bord de la rivière la plus polluée d'Europe. C'était la 4e convergence Transac féministe. 8 jours intenses d'ateliers, de discussions, de performances et de fêtes. On peut dire que c'était le paradis des Tati Geeks. Pour partager ses rencontres avec la nébuleuse Radio Rageuse, l'équipe de Tribidou a branché un studio radio et a proposé de faire un direct chaque soir. Ça a été diffusé en FM localement et streamé sur la web radio de Radio Rageuse. Une façon aussi de tester la bonne marge de coquillage, leur toute nouvelle serveuse. L'émission que vous allez écouter a été enregistrée le jeudi 4 août 2022 en direct du THF à Calafou, en face de l'espace d'Anarca Serveur Rasé, avec pour commencer une belle panne d'électricité. On cause de médias féministes et de soins digitaux avec plein d'invités. Aïe Carmela, qui fait partie de l'équipe de documentation de l'événement, nous raconte sa pratique de guérilla journalisme et de live stream dans un contexte transféministe. Patty et Violetta du Brésil présentent les infrastructures féministes de soins digitaux dans lesquelles elles sont engagées. Enfin, pour finir en beauté, une lecture en française par Anne Laforêt, de Roberte Larousse, un projet artistique féministe autour de langue, genre et technologie qui questionne avec humour les biais sexistes de Wikipédia. Oh oh et oh oh. Medios feminista e autodefensa digital. Media feminista e autodefense digital. Feminist media and digital self-defense. La convergence, c'est aussi été aimé 2022. Sans cet effet, monsieur, Radio Rageuse en direct du THF, les rencontres Transac féministes. Transac féministe, désolé pour la petite interruption. Et bah, ce soir, on a changé d'endroit, on a dû se déplacer, on est dans un nouvel espace, Ophitech. Et cet espace, bah, il donne sur l'endroit où était Anarca Serveur. On est devant le local où était Anarca Serveur, qui vous sera présenté demain lors d'un nouveau direct du THF. Je laisse ma camarade nous en dire un peu plus sur qu'est-ce que c'est les rencontres Transac féministes. Alors, bienvenue au THF. C'est la quatrième rencontre Transac féministe. Ça se déroule en ce moment et ça va durer du 1er au 8 août à Calafou, en Catalogne. C'est un moment où se rencontrent plein de collectifs acc féministes qui sont venus de plein de pays. Acc féministes, ça veut dire qui ont une perspective féministe sur la technologie. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui auront une meilleure définition qui pourront ajouter. Le point commun, c'est de se rencontrer pour parler des infrastructures féministes. Alors là, il y a l'infrastructure de l'électricité qui vient de lâcher. On est toujours en direct. Est-ce que... Bon, ça enregistre, ça module, ça enregistre. On n'est pas sûr que ça passe sur la FM parce que là, on fait une émission qui est retransmise en direct sur le 107 FM ici dans le lieu à Calafou. Donc Calafou, c'est un lieu autogéré, une ancienne colonie post-industrielle. Normalement, on envoie aussi le stream via un serveur qui s'appelle Coquillage qu'on a concocté cette année sur tribidou.gendertrouble.org. Alors sans électricité, on ne sait pas ce qui marche. Mais il y a déjà ma voisine qui a sorti sa frontale. En fait, il faut qu'on vérifie si ça marche sur la radio. Ouais. On a toujours, c'est expérimental. On a toujours quand même un défi technique, comme on dit ici, nouveau tous les jours. En live du THF, qui sont les rencontres Transac Feminista 2022 en Catalogne, à Calafou. En live. Il se trouve qu'on a des petits soucis techniques du style... alors même qu'on est trop fort, c'est trop fort pour faire des trucs trop ouf techniquement, mais une fois qu'il n'y a plus d'élec, ben on est en galère. Des trucs hyper. Du coup, en attendant que l'élec revienne et qu'on puisse se remettre à vous parler, vous raconter des trucs trop bien, je vais vous raconter ce qui se passe. Il y a plein de personnes qui sont sur plein de machines en train d'essayer de arranger le problème. Il y a des personnes qui mangent. Ça se traduit en plusieurs langues parce que des personnes parlent différentes langues ce soir. Du coup, pendant qu'on fait des blagues, toutes nos blagues sont traduites. On traîne ensemble, on rigole, ça boit un peu quelques bières quand même. Ça a l'air que l'élec est revenu, mais tout le reste n'est pas encore revenu. On a les camarades de l'équipe Jingle qui nous font des jingles super et merci pour ça parce que c'est trop bien. De rien, avec plaisir en tout cas. Et voilà, on est en live et ça c'est les joies du direct et du DIY, le do it yourself. On fait les choses par nous-mêmes, on s'arrange, on essaye de faire en sorte de tout bricoler nous-mêmes et du coup des fois ça marche pas exactement pareil que sur les grosses radios mainstream, normatives, bourgeoises, capitalistes, racistes et hétéropatriarcales. Alors, est-ce que ma voix est diffusée partout dans le monde grâce au serveur féministe que les camarades ont monté ? On se demande. Ça a l'air que toujours pas. Merci à Bobby et Demoniox pour leur jingle trop super. Et merci à l'équipe cuisine de nous cuisiner des trucs trop, trop bons qu'on est en train de manger en ce moment. Internet ne marche plus. The network is not working anymore. C'est la fin. Et on est un petit peu mort de rire parce que à chaque jour suffit sa peine. Alors ce soir, c'est un problème un peu plus structurel du style Internet ne marche plus. Et alors, quand tu essayes de faire des rencontres trans-hack féminista, le côté hack moyen quand même, quand il n'y a plus Internet et qu'il n'y a plus les lecs. Oui, on fait ce qu'on peut en fait, on se débrouille avec ce qu'on a au final. Du coup, vu qu'on se débrouille avec ce qu'on a, on a une camarade qui va sortir pédaler pour générer de l'électricité. Salut, bonsoir. On reprend. Pour celles et ceux qui étaient déjà là, on reprend. Pour celles et ceux qui viennent d'arriver, bienvenue. On est en live pour la cinquième nuit d'affilée. Du coup, on est en train de diffuser en direct un plateau radio qui nous vient directement de Calafou en Catalogne. On est en direct des rencontres THF 2022. Les rencontres THF, c'est les rencontres Trans Hack Féministe. THF Radio Live. Transac, féminisme, convergence, siete, siete, aimé 2022. 107 FM, Radio Rageuse, en direct, Radio Rageuse, MB, Radio Rageuse, MB, Radio Rageuse, MB, Radio Rageuse, MB, Radio Rageuse. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faz ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita a vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de Moa, já me mané. Acabamos de ouvir Elza Soares cantando Maria de Vila Matilde, uma rainha brasileira para vocês. On vient d'entendre Elza Soares, qui est une reine brésilienne de. C'est de la musique populaire brésilienne. É uma mulher que morreu recentemente. C'est une femme qui est morte il y a pas longtemps. E tocou muitos brasileiros, porque tem uma história muito incrível de vida e de produção musical. Ça a touché beaucoup de brésiliennes et de brésiliens parce que c'est elle a une vie très marquante au niveau de la production musicale. Vocês podem descobrir mais procurando por Elza Soares, mas a gente pode contar um pouquinho. Uma mulher que era filha de uma empregada doméstica e enfrentou muitos lugares brancos, porque era uma mulher negra, para conseguir lugar de sucesso. Demorou muito tempo para ser reconhecida. C'est une personne qui a eu un parcours hyper impressionnant parce que c'était une fille de travailleur domestique noir et elle a dû traverser pas mal d'obstacles et de lieux difficiles pour arriver à être connue. Sofreu muitas situações de racismo e machismo. Elle a subi pas mal de situations de racisme et de machisme. Et inclusive uma história de relacionamento abusivo com jogador de futebol muito famoso. Y compris une relation abusive avec un footballeur très connu. Et esteve ela desapareceu da cena musical brasileira por muito tempo e precisou também trabalhar como doméstica. Elle a à ce moment-là disparu complètement de la scène musicale brésilienne. Elle a dû aussi travailler comme travailleuse domestique. Nos anos 90, ela começou a ser reconhecida novamente pela música, por artistas da música brasileira, e voltou a gravar coisas e ser convidada a participar de discos e produções importantes. Dans les années 90, elle a recommencé à produire de la musique et elle a été en fait redécouverte récemment par des artistes brésiliennes. Et elle a recommencé à enregistrer des disques. Ganhou, depois disso, foi premiada muitas vezes com discos muito, muito bons. Et ensuite, elle a été récompensée pour des disques de musique qu'elle a fait. Fez shows até muito perto de sua morte. Costumava cantar sentada no palco, ainda com uma grande cadeira, um trono, mas muito performática e com uma voz muito potente. É sua morte? Sim, pouco antes de morrer, continuou cantando e fazendo shows até o final. Cantava sentada. En fait, elle a continué à chanter jusqu'à la fin et c'était une façon hyper performante, hyper impressionnante d'être sur scène parce qu'elle était jusqu'au bout, même assise, elle a chanté et jusqu'à sa mort. Se querem uma história de inspiração de uma mulher, pesquisem sobre Elza Soares. Si vous avez besoin d'une histoire inspirante d'une femme noire brésilienne, vous pouvez choisir Elza Soares. Une petite note de la traduction. Aujourd'hui, je traduis à partir du portugnol, qui est une langue qui mixte l'espagnol et le portugais, que je ne parle pas vraiment. Donc, je vais sûrement demander des précisions de temps en temps. Média féministe et autodéfense digitale. Médios féminista et autodéfense digitale. Média féministe digitale. Et pour la 18e fois, nous reprenons, après les 22 000 coupures d'électricité, d'internet, d'énergie, de bière et d'alimentation, nous voilà de retour parce qu'on est en direct, on est en live et c'est du DIY, du do-it-yourself. Pour celles et ceux qui nous retrouvent ou pour celles et ceux qui viennent d'arriver, on est du coup pour la 5e nuit d'affilée en direct du THF, qui sont les rencontres Trans Hack Feminista, des rencontres qui ont lieu à Calafou, en Catalogne. On est en live, on remercie les camarades qui font la traduction, les camarades qui font les jingles, qui font la technique et les camarades qui font vivre les espaces autonomes et qui font vivre les rencontres autogérées et qui font vivre nos luttes féministes. Et ce soir, on est là pour parler de médias féministes et autodéfense digitale. Alors, c'est la 5e nuit, on a abordé plein de sujets les autres nuits, on aura encore de nouveaux. Pour ce soir, pour médias féministes et autodéfense digitale, on a des super invités. Moi, je ne vous dirai que les prénoms des personnes et je laisserai les personnes se présenter elles-mêmes, eux-mêmes, et dire ce qu'ils et elles veulent de leur lutte et de leur... lutte politique ou de leur collectif ou de leur projet artistique ou politique. Alors, je vous dis qui sont les personnes qui sont avec nous ce soir. Ce soir avec nous, il y a Ay Carmela, que je laisserai se présenter plus tard. Nous avons aussi Violeta et Patti, que je laisserai se présenter. Et enfin, nous avons la camarade Anne, que je laisserai se présenter aussi par la suite. On commence par la présentation de Ay Carmela, si ça peut être juste une mini-présentation de qui tu es et pourquoi tu es là ce soir. I'm Ay Carmela. I'm a trans lesbian woman living in Barcelona and a migrant from Turkey. I've been doing live streaming video for the past decade for social movements. Donc je m'appelle Ay Carmela. Je suis une femme trans lesbienne migrante de Turquie et j'habite à Barcelone. Et ça fait maintenant 10 ans que je fais des lives pour des contextes sociaux, des mouvements sociaux. And since I transitioned about 5 years ago, I was able to be part of separatist feminist movements. So now I'm very enthusiastically involved in organizing separatist feminist media and infrastructure. Et depuis ma transition, il y a 5 ans, j'ai pu accéder à des espaces en non-mixité féministe, transféministe. Et c'est avec grande joie que je participe depuis à l'organisation autonome féministe séparatiste. Merci, camarade. Après, on va passer à Violeta et Patti, qui nous viennent du Brésil et que je vais laisser se présenter elles-mêmes. Olá, boa noite. Sou Violeta, sou brasileira e trabalho com segurança digital, ou como preferimos dizer, cuidados digitais no Brasil. Mais especificamente para defensoras, defensores de direitos, e atuo em um coletivo chamado Rede Transfeminista de Cuidados Digitais. É muito importante pontuar que fazemos questão em dizer que somos transfeministas, porque isso nos coloca em um lugar importante do feminismo. Salut, bonsoir, c'est Violeta, je viens du Brésil. Je travaille dans un projet qui s'appelle Segurança Digital, sécurité digitale, et on dit parfois aussi Cuidados Digital, soins digitaux, qui soutient des défenseuses et défenseurs des droits humains. C'est quelque chose qui fait partie d'un réseau qui s'appelle le Réseau Transféministe de Défense Digitale. Et c'est important d'insister sur l'expression de transféministe puisqu'on est dans une rencontre et dans un contexte qui met en pratique ce concept. Boa noite. Sou Patti Mori, do Brasil também. Trabalho em uma organização feminista interseccional chamada Maria Lab e trabalhamos com construção de infraestruturas feministas e também de cuidados digitais. Bonsoir. Je m'appelle Patti Mori, je viens du Brésil, et je travaille dans une organisation féministe intersectionnelle qui s'appelle Maria Lab, qui s'occupe d'une construction d'infrastructures féministes et de soins féministes digitaux. Et maintenant, on va laisser notre dernière invitée, Anne, se présenter par elle-même. Donc, bonsoir, je fais partie d'un collectif qui s'appelle Robert Larousse. C'est un collectif artistique qui travaille autour de langue, genre et technologie avec Cécile Babiol. Et je vais parler d'un projet qui s'appelle Wikifémia, que nous faisons des récits en française à partir d'articles Wikipédia consacrés à des femmes ou des collectifs de femmes. THF Radio. Wow. Sur Radio Rage en direct. Et on enchaîne. Du coup, bah, là, on va attaquer le vif du sujet. Merci à toutes les camarades, tous les camarades de s'être présentés. On rappelle pour ceux et celles qui viennent d'arriver que ce soir, on est là pour parler de médias féministes et d'autodéfense digitale. Et du coup, on va attaquer directement ce pourquoi on est là. Et on va demander à notre camarade Ay Carmela de présenter sa lutte, son collectif, ce qu'elle fait ici et pourquoi elle est venue nous présenter ce qu'elle fait. I'm part of the Barcelona Feminist Hack Lab. Je fais partie de l'Hack Lab féministe de Barcelone. And I'm generally active within the separatist feminist movement in Barcelona. Et je suis généralement active dans le mouvement transféministe de Barcelone. And in a place called Caladona. There is un endroit qui s'appelle Caladona. Recently, after doing Caladona is an important place for the feminist movement in Barcelona. Caladona est un lieu très important pour le mouvement transféministe barcelonais. But they don't have their own infrastructure. They rely on commercial infrastructure. Mais ils n'ont pas d'infrastructures féministes à proprement parler. Ils s'appuient sur des infrastructures commerciales mainstream. So especially after the quarantine, all of their assemblies fell to Zoom and the groups fell to WhatsApp. Et du coup, pendant le confinement, toutes leurs conférences, ça passait par Zoom et ils étaient en contact par WhatsApp, ce genre de médias, de réseaux sociaux. Mm-hmm. And apps like that. And we did a bunch of feminist hack workshops in Caladona with the Barcelona Feminist Hack Lab. Et donc nous, avec le Hack Lab féministe de Barcelone, on a proposé plusieurs ateliers à Caladona autour de pratiques numériques féministes. It was very well received, and later I proposed to start a new feminist hacker collective in Caladona. Et ça a été très très bien reçu, et du coup moi j'avais proposé de commencer un nouveau projet féministe hacker à Caladona. It was very enthusiastically accepted. Ça a été un succès. The Caladona Assembly also agreed to install servers in Caladona, and they find donations of a lot of server machines. Et Caladona a réussi à avoir des financements pour acheter des serveurs. Well, not financiation, the machines, like they got the machines. Ah oui, donc elles ont trouvé les machines. Yeah. After September, we're gonna start a new hacker collective, and we're gonna start doing infrastructure work, and we're gonna also start educational work to make more feminist hacker workshops, hopefully more regularly. Et du coup, à partir de septembre, on va attaquer l'installation de cette infrastructure féministe à Caladona, et on espère poursuivre dans les projets hacker féministes et faire aussi de l'éducation, du partage de ces savoirs. I would like to ask a question. So you are doing live stream for social movements. Can you, like, we're interested in knowing the history of that. How did it start? What have you done? How did you learn? What have you found out? Je traduis. Moi, ma question, c'est, ça m'intéresse de savoir l'histoire de sa pratique du live stream. pour les mouvements sociaux. Comment est-ce qu'elle a appris? C'était quoi sa pratique? C'est quoi le parcours qui l'amène à faire du live, y compris d'ailleurs, elle fait du live sur le THF lui-même. The first time I saw a live stream of a social movement was about 11 years ago in 2011 in the 15M movement of Spain. La première fois que j'ai vu du live show dans des mouvements sociaux, c'était il y a 11 ans, donc en 2011 à Barcelone pour en Espagne pour le mouvement du 15M. Oh, Indignados. Yeah, Indignados, movement des Indignados. I'm sure that it was done before, but that was the first time I saw it, and I was lucky enough that I was doing Erasmus at that time in Netherlands. So when I saw what was happening in Spain, I dropped out of university, I dropped out of Erasmus and went to Madrid to participate in the 15M movement. Et moi, j'étais en Erasmus aux Pays-Bas. Je me suis retrouvée face à ce live show dans un grand mouvement social en Espagne. Du coup, j'ai laissé tomber mes études et j'ai bougé à Madrid pour participer à tout ça. It was actually like I kind of accidentally found out about the 15M movement while looking for the Tahrir Square on Wikipedia. At the bottom of the page, there was a footnote saying 2011 Spanish protests, and at the bottom of that page, there was a link to a live stream. Et du coup, comment je suis tombée sur le live stream? Je faisais des recherches sur le mouvement du 15M en Espagne. J'étais sur la page Wikipédia. Elle faisait une recherche sur la place Tahrir au Caire. Et c'est une note de pas de page où il y avait écrit « il y a le 15M en Espagne ». Ouais, et à la fin de la page de la 15M, il y avait un lien pour le live stream en question. But this was probably like a touristic or a security footage that was mispurposed. And it was just looking over the square, like without audio, like you were just able to see the tents. Et mais ce film, c'était probablement un détournement d'une vidéo réalisée un peu par hasard qui filmait du haut et on voyait juste des tentes. After 2-3 days of watching this stream, it went off, I thought that the police has dispersed the people, and like I would need to go to help, and like because I could, I just immediately went to Madrid. Au bout de 3 jours, le live stream s'est arrêté. Donc j'ai eu peur que les flics aient tout dispersé et je me suis dit je peux aider, il faut que j'y aille, et donc j'ai bougé à Madrid. Because I had no other way of direct information coming from the square because I didn't speak any Spanish, I didn't have any friends there. À l'époque, je parlais pas castillan, j'avais pas d'amis là-bas, il y avait pas d'autres moyens pour moi de savoir qu'est-ce qui se passait. When I went, it was much bigger and better than what I expected, and I joined the media team there to document the movement. Et quand je suis arrivée sur place, tout était beaucoup plus grand que ce que j'avais imaginé, et j'ai tout de suite rejoint l'équipe média et j'étais intégrée dans leur travail. And about 2 days after I arrived, we started live streaming from the middle of the assembly with audio to actually transmit the assembly to the people who were not able to be there. Et 2 jours après mon arrivée à Madrid, on a commencé à faire du live stream de la place centrale. Du coup, on pouvait transmettre l'assemblée générale en direct pour toutes les personnes qui pouvaient pas suivre sur place. Like I'll try to fast forward because I think I took a lot of time. Right. After that, I did like another month in the Syntagma occupation in Athens, in the Multimedia Syntagma group. Et après ça, j'ai passé un mois dans l'espace Syntagma en Grèce, à Athènes. And when Occupy Wall Street started later that year, I became an editor in their Global Revolution TV. Et quand Occupy Wall Street a commencé quelques mois plus tard, je suis devenue éditeur, éditrice dans leur éditeur... Vision Mixer. Mixeuse visuelle pour Occupy Wall Street. To combine multiple live streams, because at that now we had like a lot of live streams coming from everywhere. Ouais, donc ma mission c'était de composer avec tous les différents live streams qui arrivaient. Right, and then in 2013, big uprising happened in Turkey, and this time I was at the position to organize the media team and to the live streams. Et en 2013, il y a eu une révolution en Turquie. À ce moment-là, j'étais donc... Not revolution, an uprising. Yes, pardon. Une des émeutes, ouais, un soulèvement en Turquie. Et j'étais donc en position d'organiser les live streams et les médias. Yeah. And then maybe the last I would mention... in that is in 2016, I went to Paris to participate in Nuit Debout, and I was in the TV Debout, I think. Et en 2016, je me suis retrouvée à Paris pour Nuit Debout, et j'étais dans la team TV Debout. And then, like, a lot of things happened, like... And like I transitioned, I became a separatist feminist. And then the next big event that I tried to organize in live stream was the 28th of March of 2020. Et après j'ai fait ma transition. Du coup j'ai commencé à être active dans les mouvements non mixtes féministes. Et le dernier projet auquel j'ai participé, c'était le 8 mars 2020. It was just before the quarantine. C'était juste avant le confinement. It was very big and very nice, but then we all fell into quarantine and into Zoom. Et encore une fois, confinement, tout est passé sur Zoom. And around that time, I got more interested in the feminist infrastructure. Et c'est à ce moment-là que je suis vraiment intéressée vers les infrastructures féministes. And I'm trying to learn system administration and stuff. Et du coup, j'essaie de me mettre à l'administration de serveurs. Alors, j'ai une petite question parce qu'on me dit un truc dans l'oreillette. Non, c'est faux, j'ai pas d'oreillette parce qu'on a des restrictions budgétaires. Mais en vrai, des camarades m'ont dit que tu définissais un peu ton activisme, ta lutte ou ton militantisme politique comme du guerrilla journalism. Et du coup, est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur ton guerrilla journalism et c'est quoi les perspectives transféministes ou révolutionnaires que tu vois dans ce... Voilà. Et les perspectives féministes et révolutionnaires qu'on voit dans ce genre de lutte. Right. Si tu peux, si tu veux. Right. Okay. So... Maybe I don't know. I don't know how to have a I don't really know how to answer this question. I mean, we're trying to do live streams here in the THF, and like it's failing at every level, at every aspect. Je sais pas quoi répondre à cette question. Ici à THF, on essaye de faire des live streams, mais ça a été des échecs. On continue. I think like we still need a lot of collective training to be successfully able to do guerrilla journalism for the feminist movement. Et ça montre qu'on a besoin de beaucoup d'entraînement collectif pour être capable, pour arriver transmettre, à monter des lives féministes. And I think as feminists, we should care about... I mean, feminists do care about things more than like non-feminist social movements, I think. We should... care about having our own infrastructure, because in the movements that I mentioned in the past decade, this was all of these live streams were done on commercial infrastructure, and they were appropriated and destroyed, and even in the best case scenarios, They helped the most powerful, richest people in the world become richest, like more rich and more powerful. Et comme le soin est un point très important pour les luttes féministes, je voudrais insister sur le fait qu'il faut qu'on prenne soin de nos infrastructures et que bah, par rapport aux mouvements qui ne sont pas féministes et qui étaient finalement au service de plein de plateformes commerciales, bah, eux, ils ont juste enrichi les richissimes et contribué aux infrastructures capitalistes, machistes, racistes, etc. etc. Bah, merci pour ta réponse. Peut-être, je voulais te demander, est-ce que si, du coup, ce que j'ai cru comprendre, c'est que toi aussi, du coup, tu faisais du live stream sur les rencontres, et du coup, si tu pouvais nous donner le lien sur lequel on peut, bah, justement, se connecter pour voir les live streams, les écouter. Well, I was never interested in having an individual career. So all the work. En fait, je n'ai jamais été intéressée par une carrière individuelle. So all the work that I did was with different collectives. Et tout le travail que j'ai fait jusque-là, c'était avec des collectifs. So it's distributed over like whatever those collectives have left. Donc mon travail est distribué chez tous les collectifs avec qui j'étais en contact. Like for the live streams video here, you can check the tube.sisterserver.net. Par exemple, pour écouter le live stream depuis THF, vous pouvez vous connecter à l'instance Peertube de Sister Server. C'est un serveur féministe. Donc c'est tube.sisterserver.net. Sister avec un Y. Merci à Carmela. Merci. Du coup, voilà. La camarade vient de nous présenter un peu c'est quoi son militantisme, c'est quoi sa lutte, ce qu'elle fait, c'est qu'elle est venue aussi présenter au THF. Et puis aussi, bah, on peut faire le lien avec ce qu'elle dit. Elle dit qu'il y a besoin quand même de beaucoup justement d'espace, d'apprentissage et de formation pour qu'on puisse être capable de justement gérer mieux les infrastructures, de pouvoir avoir des choses bah, un peu moins fracassées comme les expériences qu'on a pu avoir. Mais c'est à ça que sert justement et que servent les rencontres autogérées, les rencontres transféministes, voilà, tout ce qu'on fait, les rencontres qu'on fait qui sont en dehors de la norme marchande, qu'on essaye du moins qu'ils soient en dehors du système hétéro-patriarcal raciste. Et du coup, bah, c'est trop bien qu'on soit ici pour bah, justement faire tout ça ensemble. Carmela, nous t'aimons. Mettre maintenant un petit peu de musique pour nous reposer avant de reprendre avec des camarades qui sont toujours présentes sur le plateau. Me bege, paro e beije é gêmeo. E calundu, só zanga, a baiana, o baiano, que são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, aganju, azunudu, ajaio. Palavra véia, longe da onomatopeia, de tapar o sol com a peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca sabe o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo, se não me conhece. Por quê? Tu me chama se não me conhece. Por quê? Tu me chama se não me conhece. Por quê? Tu me chama se não me conhece. É gêmeo e Calundu, Sozanga, a baiana, o baiano, e são lembrados na folia em fevereiro. Aruanda, Aganju, Azunodô, Ajaiu, palavra velha, longe da onomatopeia, de tapar o sol com uma peneira, escantear o índice na prateleira. Não fecha a conta, a cota é pouco e o corte é fundo. E quem estanca chaga o choque do terceiro mundo. De vez em quando um abre a boca sem ser oriundo, para tomar pra si o estandarte da beleza, luta e o dom. Com papo tão em fundo. Por quê? Tu me chama se não me conhece. Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia cê acha. Vai procurando o que um dia. Salut à vous toutes et tous qui nous rejoignez ou qui reprenez l'émission avec nous en live au THF, les rencontres transac féministes. Ce soir, on est là pour parler de médias féministes et d'autodéfense digitale. Merci à notre camarade Aïe Carmela de nous avoir présenté sa lutte, son activisme politique et ce qu'elle faisait par ici. Maintenant, on va enchaîner avec nos camarades qui nous viennent tout droit du Brésil, Violeta et Patti. Mais avant qu'elles nous présentent leur lutte et leur militantisme aussi, on aimerait bien que l'une des deux nous dise quel est le morceau qu'on vient d'écouter. Bon, escutamos mais uma mulher negra brasileira fazendo uma música maravilhosa. Essa foi Xênia França. Diferente de Elza Soares, que escutamos há pouco, Xênia está no começo da carreira dela, mas já produziu discos belíssimos, com músicas maravilhosas, como vocês puderam acabar de ouvir. On vient d'écouter encore une femme noire brésilienne qui produit une musique merveilleuse qui s'appelle Xênia França. Qui, contrairement à Elsa Soares, que nous avons écouté auparavant, est au début de sa carrière et produit des disques absolument merveilleux. Merci pour la présentation du morceau. Du coup, vous allez pouvoir aller rechercher ça sur toutes les plateformes non commerciales et non propriétaires sur Internet pour retrouver votre musique. Mais du coup, là, on peut enchaîner avec ce pourquoi on s'est retrouvés ce soir sur ce plateau. Au-delà de nous connaître et de nous organiser ensemble, on est là ce soir pour parler de médias féministes et d'autodéfense digitale. Et je laisse la parole maintenant à nos deux camarades, Violeta et Patti, qui nous viennent du Brésil et qui vont nous parler de leur lutte là-bas. Ah, bon, por onde começo? acho que um dos dos projetos mais conhecidos desenvolvidos na Maria Lab é o projeto Vedetas, que foi a nossa primeira servidora feminista e está operando até hoje e sendo mantida por nós. Utilizamos nossos pais. Sim. Sim. Que bom! Bueno. Los que funcionam! Je fais partie de deux projets d'infrastructures féministes. L'une, c'est Maria Lab, et l'autre, c'est Vedetas, qui est notre première serveuse féministe qui opère jusqu'à aujourd'hui. Donc moi, j'ajoute tout de suite qu'on utilise vos pads. C'est les seuls qui fonctionnent dans la région, on les adore. Agora temos um projeto mais novo que chama-se Maria Villani. E esse projeto é um projeto de plataformas de comunicação seguras, também são mantidas por nós. Então temos uma instância, temos Chimamanda, que é uma instância de Jitsi, Amarantus, que é uma instância de Mumble, e Angela, que é uma instância de BBB, Big Blue Button. Alors, je suis aussi impliquée dans un nouveau projet qui s'appelle Maria Villani, qui est une plateforme de communication sécure qui est faite par nous et qui héberge une instance de Jitsi qui s'appelle Chimamanda, une instance de Mambo qui s'appelle Amarantos, une instance de Big Blue Button qui s'appelle Angela. Et, além disso, também fazemos outros trabalhos relacionados à segurança digital. Um dos nossos projetos que estamos trabalhando agora é uma linha de atendimento emergencial feminista de segurança para pessoas e organizações feministas. Et du coup, un autre travail que je fais dans ce cadre-là, et qui est complètement de la sécurité digitale, c'est un projet de ligne d'accompagnement et de soutien digital pour les personnes et les organisations féministes. Et une chose que Aïe Carmela estava falando sobre a formação também de mais cisadminas para atender organizações feministas e de defesa de direitos humanos. Também estamos promovendo formações de mais cisadminas para oferecer mais serviços digitais e seguros para as organizações, ativistas e também manter os serviços que já temos sempre no ar e disponível para que todas as companheiras possam tê-los e usando-os de forma segura. Pardon pour la petite latence. Je reviens sur une des choses que Aïe Carmela a mentionnées lorsqu'elle parlait des moyens de soutenir les organisations féministes, le soin dont on a besoin pour ces organisations qui soutiennent les féministes dans leur activité de défense des droits. On propose une formation pour apprendre aux féministes à offrir des services digitaux et produire de la sécurité digitale pour les organisations féministes et afin que leurs services soient disponibles et utilisés de façon sûre. Ceci. Bom, na outra ponta, in other hand, tem trabalho na rede transfeminista de cuidados digitais, que é uma rede que reúne indivíduos, ativistas e organizações voltadas para os cuidados digitais, para defensores de direitos humanos e ativistas. Para a gente é extremamente importante um trabalho como o da Maria Lab, que constrói infraestruturas as quais a gente utiliza e as quais nós... Isso não entendi. Sim. Então, uma organização que propõe cuidados digitais para organização de defensoras de... Defensores de direitos humanos. De direitos humanos, sim. E ativistas. Uhum. E para... Nós é muito importante um trabalho como a Maria Lab, uhum, que provê infraestruturas as quais nós utilizamos e sugerimos a defensoras de direitos, defensores de direitos humanos, que utilizem também. Nós trabalhamos com formações em cuidados digitais. Então, é muito importante que nós tenhamos infraestruturas seguras para sugerir que as pessoas usem. Não basta trazer, para? Sugerir, para propor que utilizem. Não, é muito importante o debate crítico sobre o uso de tecnologias comerciais, mas mais importante ainda é ter a prática e lugares possíveis de utilizar. Então, quando digo nós trabalhamos com formações em segurança, dizer aos grupos não utilizem o Google como uma ferramenta, e os grupos nos dizem o que utilizamos, então. Então, o trabalho de grupos que fazem e constroem infraestruturas seguras, feministas, é muito importante. Então, fazemos um trabalho complementar no Brasil. Queres traduzir? Sim. Moi, je fais un autre travail dans un réseau qui s'appelle un réseau transféministe de soins digitaux pour les individus et les organisations, ce qui donc propose des soins digitaux pour les défenseurs des droits humains, les défenseuses des droits humains et les activistes. Pour nous, c'est un travail très important que fait Maria Lab, auquel participe Patty. Et qui, elle propose vraiment des services sécures pour les infrastructures féministes. Nous, on travaille avec des formations pour proposer l'utilisation de techniques et de technologies non commerciales, libres et sécures. Du coup, c'est un débat très important qui est celui des outils qui soutiennent nos luttes, à savoir quand on fait des formations, nous on dit plutôt essayer de ne pas utiliser Google comme outil. Nous on utilise XY, y compris des outils auto-hébergés, enfin hébergés par des féministes. Donc c'est un travail très complémentaire qu'on fait au Brésil. Bon, et résumément, je vais parler un peu de l'histoire de la rede. Com o assassinato de Marielle Franco, qui foi uma importante pessoa da política brasileira, era uma vereadora no Rio de Janeiro, uma mulher negra, lésbica, mãe, e defensora dos direitos LGBT e que fazia um trabalho super importante de enfrentamento à violência policial em áreas de periferia do Rio de Janeiro, foi brutalmente assassinada com seu motorista no meio da rua, após um evento. Quando isso aconteceu, muitos grupos se deram conta de que a violência estava, de fato, aumentando e era importante se preocupar com a segurança, entre elas a digital. Então, começamos a ter muitos pedidos de ajuda. E para sistematizar esses pedidos, organizar esses atendimentos, decidimos montar uma rede que hoje engloba algumas organizações, entre elas Maria Lab e muitas outras, e também pessoas pontualmente, ativistas individuais, sob o nome de Rede Transfeminista de Cuidados Digitais. Posso explicar depois. Donc pour faire un résumé sur l'histoire du réseau, en fait, c'est pas mal parti de... Voilà, il y avait une personne qui s'appelle Maria Di Franco, qui était une personnalité politique brésilienne très importante. C'était une femme noire, lesbienne, qui était très impliquée dans les luttes pour les droits LGBT et contre la violence policière dans les banlieues de Rio de Janeiro. Et elle a été donc tuée au milieu de la rue par des gens sur une moto. C'est à ce moment-là que les groupes se sont rendus compte, les groupes de la communauté féministe se sont rendus compte du risque qui ça constituait et de l'importance de la sécurité, y compris digitale. C'est là qu'on a formé un réseau d'organisations auquel appartient d'ailleurs Maria Lab, mais qui inclut aussi des individus, des activistes, des organisations. Et bon, c'est donc le RED Transfeminista de Cuidados Digital, qu'on traduit par Réseau Transféministe de Soins Digitaux. Para acabar, é importante pontuar coisas como cuidados digitais são um novo nome que damos para segurança digital. Para nós, numa perspectiva feminista, o cuidado faz muito mais sentido, o autocuidado e o cuidado coletivo, em lugar de segurança, porque é uma proposta que não parte do militar, de um lugar machista, de medo e paralisação, mas parte de um lugar de construção coletiva, de possibilidades de cuidado, de resistência, de seguir vivendo. E, para nós, interessa muito um trabalho baseado na educação popular. Para quem não conhece Paulo Freire, pode ser uma boa pesquisa. Pesquisa? Sim, research. Aham. You can research about Paulo Freire. Espera. Sur l'éducation populaire. Populaire, like a folk education. Yeah. Paulo Freire. Freire. Sim. E ele propõe processos de formação que estão relacionados com a prática, com o que fazemos no dia a dia, com vocabulário que faz sentido. Então, trabalhamos nesse aspecto, com corpo, com presença, com... rompendo, desconstruindo essa ideia do... Com corpo. Com corpo, com presença. Uhum. Desconstruindo, rompendo a ideia de tecnologia muito geek, muito tecnológica, porque todas usamos tecnologia para os trabalhos, para as lutas, e é importante aprender. Então, para nós, interessam as mulheres... de uma maneira geral, e pessoas trans, queer, as quais as tecnologias não são desenvolvidas para elas. Então, mulheres do campo, mulheres de favela, mulheres e pessoas trans, queer, não binárias. Mulheres do campo, de favelas. Campo. Quando. Se, favelas, pessoas trans. Trans, não binárias, que habitam a periferia. Sim, a periferia da periferia, porque o Brasil já é a periferia. Então, quem está na periferia da periferia ainda tem muito menos acesso. Acho que vale frisar que o Brasil é um país onde a tecnologia é muito caro, conexão com a internet é muito caro, muito difícil... as pessoas têm aparelhos muito antigos, então não basta chegar com um grande super software de segurança, porque não vai ser utilizado. As pessoas ainda utilizam o WhatsApp como a maior ferramenta de comunicação. Então, para nós, interessa levar a discussão e o aprendizado de tecnologia para essas pessoas, que são defensoras de direitos. Ainda lutamos por direitos muito básicos no Brasil, como saúde, saneamento, comida, educação, transporte, moradia, aborto. Ma Bible. Pendant que notre camarade de traduction s'accogite dans sa tête, l'équipe traduction est en train de suer des neurones, mais va nous dire tout de suite ce que vient de nous dire notre camarade Violetta. Donc, voilà, je vais essayer de dire les choses importantes sur le concept de soins digitaux. En fait, c'est le nouveau nom de la sécurité digitale à partir d'une perspective féministe. C'est un nom qui nous fait plus sens à nous parce que c'est une sécurité digitale qui ne viendrait pas d'un lieu du militarisme, du machisme, qui vient d'une place du collectif, du soin et de la perspective féministe. Notre travail, il est plutôt basé sur l'éducation populaire, un truc que quelqu'un qui s'appelle Paulo Freire a développé. Et donc, on propose des formations reliées à des pratiques avec un vocabulaire qui nous fait sens en termes de travail du corps, travail de la présence, déconstruction complète de tout ce qui est tech, de geek, high-tech, toutes ces choses compliquées. Alors que voilà, la technologie, c'est quelque chose qu'on utilise toutes pour nos luttes, et même quotidiennement, c'est important d'apprendre tous ces concepts-là et du coup de proposer des outils pédagogiques pour les femmes, les trans, les queers, qui soient développés pour elles, et notamment pour des femmes de la campagne, pour des personnes des favelas, des trans, des non-binaires, qui sont voilà, habitantes de la périphérie, dans le sens où déjà le Brésil est une périphérie en elle-même. Y a des personnes qui habitent en périphérie de la périphérie. Donc c'est de toute façon un pays où la technologie est chère, l'internet, l'accès à Internet est cher, les machines elles-mêmes sont chères, du coup on n'est pas sur un travail avec des softwares hyper compliqués et qui demandent beaucoup de CPU ou des choses comme ça. On voit beaucoup que les gens s'organisent avec WhatsApp comme moyen de communication principal. Donc on essaye de produire des techs pour elles, à la fois en même temps très basiques, et y compris de leur proposer de la nourriture, de l'éducation, de l'accès à l'avortement. Merci. Et bah, je sais pas pour vous, mais moi je suis super méga contente d'être ici ce soir parce que j'apprends plein de trucs d'une part, parce que aussi dans une perspective anticoloniale et pour sortir de l'eurocentrisme de la pensée. Et bah, capter des nouvelles notions qui viennent de camarades d'ailleurs, notamment par exemple la notion des soins digitaux. Moi par exemple, je n'avais jamais entendu cette notion-là avant ce soir et je suis très contente d'être là parce que voilà, ça permet en fait de aussi sortir de ce délire eurocentriste que du coup la technologie elle serait produite dans les pays impérialistes du Nord. Mais non, en fait, les camarades de partout produisent de la lutte révolutionnaire, produisent des contenus, produisent du soin, produisent de la lutte révolutionnaire, et voilà, je suis émue et contente, et c'est trop super. Voilà. Et du coup, voilà, vu que là, on a commencé à un peu beaucoup parler, peut-être après, on va passer à une petite pause, peut-être un jingle ou de la musique, mais peut-être avant, on peut demander aux camarades si elles y elles veulent. Voilà, un petit mot de la fin, ou rajouter, redire quelque chose, parler de leur réseau, voilà, s'il y a un petit truc en plus. Quero só falar sobre a próxima música. Je veux seulement parler de la prochaine musique. Que Tati quebra barraco. Como? Tati quebra barraco. Quebra barraco. Quebra barraco. Wow. It's como destroying home. Yeah. Quebra barraco. Sim. É uma mulher negra também, que desde os anos 90, faz um funk carioca feminista. A sua maneira, sim. Não muito... Não tem uma discussão filosófica muito desenvolvida, mas já sabe o que faz. Então, é maravilhosa e também precisa ser lembrada. À partir des années 90, a inventé un mode de funk karaoké féministe complètement à sa manière, un peu loin des discours philosophiques, mais alors elle sait ce qu'elle fait et c'est important de s'en rappeler. Bon, bah, si jamais vous n'êtes pas super contente et contents, ceux et celles qui écoutaient, nous en tout cas, on est super contentes et super contents parce que c'est trop bien ce qui se passe sur le plateau. Parce que c'est une démonstration en live de ce qu'on peut faire quand on s'organise ensemble entre camarades, de nos capacités politiques, techniques, d'auto-organisation. Et c'est trop bien, voilà. Et bah voilà, je vais pas en rajouter. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, on est toujours en direct live du THF. THF, c'est les rencontres Transac Feministas qui ont lieu à Calafou, qui est un lieu en Catalogne, État espagnol. Et bah, après nos différentes invitées, on est toujours là pour parler de médias féministes et d'autodéfense digitale, aussi des fois appelés soins digitaux par nos camarades du Brésil, et je les remercie pour cette découverte, en tout cas pour moi-même, hein, ça se trouve les autres sont blasés en mode c'est bon, je connaissais déjà depuis 20 ans. Et notre dernière invitée, c'est notre camarade Anne, qui fait partie du projet Robert Larousse. J'en dirai pas plus, parce que je vais la laisser se présenter par elle-même et nous parler de ce qu'elle fait. « Je vais vous, donc, comme je le disais rapidement tout à l'heure, Robert Larousse, on est un collectif qui travaille autour de langue, genre, technologie, avec où on traduit des textes du français en française, donc une langue tout au féminin. Là, je vous parle en française patriarcale, qu'on connaît souvent pour tout le monde de français, parce que parler la française, naturellement, quand on a été brainwashé au français masculin, c'est complexe. Donc, je ferai tout à l'heure, dans quelques minutes, une courte lecture en française. Donc, on aura une expérience de française, mais là, si je commence à essayer de vous parler en française, je vais parler lentement parce que je vais penser à chaque mot et ce n'est pas une bonne idée. Donc, ce projet de française, l'idée, c'est vraiment de démasculiniser la langue française qui est vraiment tous les curseurs sont masculins. D'abord, ça a été historiquement le masculin supérieur, mais maintenant où ça l'est moins, c'est le masculin comme neutre, donc qui sont des choses toutes les deux très très problématiques. Et donc nous, on est parti sur faire cette langue, donc la française, avec l'idée, c'est vraiment d'abolir le genre grammatical, sauf que là, d'une certaine manière, là où le cursus dans le français c'est le masculin par défaut, là c'est juste on change, c'est le féminin comme défaut, par défaut. Donc tout ce qui peut être mis pas comme défaut, pardon, oh là là, je suis désolée, non, par défaut. Par défaut. Donc voilà, c'est une expérimentation. L'idée, on fait des performances, des textes, et donc voilà, c'est notre pratique. Depuis quelques années, on travaille plus spécifiquement à faire des textes à partir de Wikipédia. Ce qui nous a intéressé dans Wikipédia, c'est que d'un côté, c'est un projet libre où tout le monde peut contribuer, mais c'est un projet qui est très complexe politiquement, mais c'est aussi le premier site non commercial dans tous les pays. C'est généralement entre le 5e et 10e site le plus consulté, donc c'est énorme, et on était intéressé par justement voir la démasculinisation des savoirs. Et donc, sous plusieurs modes, on fait des récits à partir donc d'articles de Wikipédia consacrés à des femmes ou des groupes de femmes, avec des extraits de Wikipédia qu'on assemble et qu'on commente sous plusieurs modes. Donc, je ne vais pas, si je commence à dire tous les questions que nous pose Wikipédia comme féministe et transféministe, nous pourrions passer des heures à la radio et c'est pas l'idée. Mais donc c'est vraiment. Peut-être tu peux quand même un petit peu. Oui, oui. Expliquer c'est quoi un peu le gap qu'il y a? Bien sûr, oui. Donc je disais, c'est très très consulté. C'est fait par la plupart des contributeurs et contributrices de Wikipédia sont des contributeurs. Il y a à peu près entre 9 et 18% de femmes qui sont contributrices de Wikipédia. Et dans les biographies, il y a à peu près 18% de biographies de femmes dans Wikipédia. Donc c'est les principes de Wikipédia, de neutralité, etc., sont pour des féministes, ça n'existe pas. Mais eux, ils y croient. Mais c'est bon, bref. Pardon. Non, on a surtout. Ce que je veux dire, c'est que nous, dans notre travail, on a surtout regardé les biais de genre. Il y a toutes sortes d'autres biais, de classe, de race, validisme, etc. C'est vraiment très complexe. Nous, c'est vrai qu'on pointe dans nos performances plutôt les biais sexistes, et il y en a un certain nombre dans la façon dont, par exemple, on parle des femmes, dans la façon dont, par exemple, un énorme problème, et là peut-être c'est pour rebondir avec ce que disaient nos camarades brésiliennes sur Marielle Franco, la question de la notoriété. Pour avoir une page sur Wikipédia, il faut avoir fait un certain nombre d'actions, et un exemple qui brise le cœur, c'est la page consacrée à Marielle Franco, dont Violetta vient de parler. Donc, c'est c'était une, avant son assassinat, elle était une activiste très très importante, mais elle n'était pas considérée comme ayant assez de notoriété pour la Wikipédia lusophone, et donc sa page a été supprimée plusieurs fois. Parce que c'était pas assez, elle ne méritait pas, si je puis dire, d'être dans Wikipédia. Et c'est seulement lors de son assassinat que l'article est revenu et après a été traduit dans d'autres langues. Donc là, on voit vraiment la question d'intersectionnalité. Les pages des femmes, déjà, il y en a moins, mais alors quand c'est les femmes racisées, LGBTQIA du Sud, c'est encore pire. Et voilà, c'est un exemple qui brise le cœur. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon peut-être je passe à la lecture. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui résonne. Moi, j'ai des questions et ça résonne carrément dans ma tête. En tout cas, merci d'être avec nous sur le plateau. Merci de nous partager ta lutte et de nous présenter le projet duquel tu fais partie. Moi, je voulais savoir si tu peux nous dire ça un peu de manière un peu succincte, parce que effectivement, on est... finalement on peut s'attarder. Est-ce que tu veux bien nous dire par exemple comment vous organisez avec les camarades avec lesquels tu mènes ce projet? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Et est-ce que tu as des liens, des sources un peu à nous partager pour savoir comment on peut connaître votre travail ou votre lutte? Alors, on est plus dans un contexte artistique. Donc, le projet, c'est avec une autre personne qui s'appelle Cécile Babiol. Donc, on est plus dans des contextes artistiques, a priori. C'est pas pour dire où ne nous rejoignez pas, c'est juste, on est dans ce contexte-là. On ne sait jamais quel est le futur. Pour traduire du français en française, on utilise un petit script Python qu'on peut télécharger sur notre site si on veut jouer avec la française. Roberto Larousse.fr et wikifemia.org, il y a des informations sur notre travail. Est-ce qu'on peut répéter un peu plus lentement pour que nos auditrices et auditeurs puissent noter l'adresse que tu viens de nous partager? Donc Roberto Larousse.fr et wikifemia.org. Voilà, Robert Larousse, c'est un jeu de mots avec les deux dictionnaires principaux en langue française et en France. Et apparemment, il y a aussi un livre autour de votre travail. Est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus? Oui, il y a deux mois est sorti autour de notre travail de Wikifemia un ouvrage aux éditions UV en France qui rassemble les textes qu'on a écrits sur Wikipédia, qu'on a performés, et aussi deux essais qu'on a écrits. Tout ça, c'est en française. Un sur la langue française les tactiques de démasculinisation du français avec d'autres exemples de parce que c'est beaucoup de personnes de plein de façons travaillent là-dessus et un autre texte qui est plus spécifiquement sur Wikipédia un peu à la fois notre parcours dans Wikipédia et quelques éléments un peu critiques dont j'ai dit très rapidement, et puis un long entretien avec une personne qui est administratrice de Wikipédia tout en étant part d'un collectif qui s'appelle Les 100 pages qui travaille à réduire le fossé des genres dans Wikipédia francophone, et donc c'est un long entretien d'une personne située féministe et queer mais qui en même temps est à l'intérieur de Wikipédia avec Yael on a discuté de qu'est-ce que les questions autour des biais sexistes et tout ça, mais aussi d'autres questions comme la gouvernance, qu'est-ce qui se passe dans Wikipédia, enfin d'essayer de comprendre de l'intérieur ce lieu a priori ouvert qui a plein de choses, enfin j'aime Wikipédia d'amour, mais en même temps il y a plein de choses qui sont vraiment bien pourries et qui est majeur dans maintenant comment on construit le savoir sur un sujet. Voilà. Et c'est aussi un encouragement à contribuer à être contributrice de Wikipédia, de Wikifémia. Non, oui, complètement. Parce que c'est, enfin, après, c'est un travail quand même assez important de contribuer à Wikipédia. Enfin, je veux dire, on pourrait repartir sur plein de questions et voilà. Ok, d'autres fois. En tout cas, moi, j'ai envie de dire merci de nous éclairer là-dessus parce que en tout cas, on est plein de personnes à penser que Wikipédia, c'est une encyclopédie libre et du coup, par libre, on pourrait penser que du coup, elle est anti toutes les dominations systémiques qu'on connaît et qui nous révulsent et qu'on déteste. Mais Wikipédia, faisant partie du monde comme il est et le monde étant ce qu'il est, c'est-à-dire raciste, colonial, étant patriarcal, sexiste, misogyne, transmisogyne, et bah, Wikipédia ressemble au monde dans lequel on évolue. Et du coup, bah, c'est super de voir des camarades qui font en sorte de faire en sorte que cette encyclopédie libre ressemble aussi à toutes les personnes qui existent sur la planète, c'est-à-dire pas que des grands bourgeois, hommes blancs, hétéropatriarcaux. En tout cas, c'était super que tu nous présentes le travail que tu fais avec ta camarade, qui n'est pas avec nous ce soir. Et apparemment, tu avais envie de nous terminer, enfin, on va terminer cette émission avec une petite lecture en française que tu as sélectionnée. Tout à fait. Du coup, voilà, donc pour ceux et celles qui n'ont jamais écouté un récit en française, c'est maintenant, branchez-vous, c'est là que ça se passe. Oh, merci. Alors, non, juste pour dire d'où ça vient, c'est un texte qu'on a, qui est dans le livre qui s'appelle Computer Girls, qui avait été écrit pour une performance qu'on a écrite en 2019 pour l'exposition Computer Girls qui avait eu lieu à Paris. Le texte dans le livre est un peu plus long, mais je vais lire l'introduction. Je pense que ça va faire 5-7 minutes. Si c'est trop, vous me dites et j'arrête, il n'y a aucun souci. Voilà, donc je vais commencer, je vais essayer de lire lentement et de manière que vous... compréhensible, enfin, parce que je peux être un peu speedée, parce que je suis touchée et émue d'être avec vous tous. Et donc voilà, c'est parti. Et ce qui est super, c'est que cette lecture sera accompagnée, comme d'habitude, par notre super fucking équipe Jingle. Bobby et Démoniox vont accompagner la lecture. Article calculatrice humaine. La terme calculatrice, en anglaise computer, apparaît à la 17e siècle et signifie celle qui calcule. Elle désigne une personne qui effectue des calculs mathématiques. Des équipes de calculatrices sont fréquemment utilisées pour effectuer des calculs longues et fastidieuses, la travail étant divisé en opérations réalisées en parallèle. Les premiers calculs effectués par des calculatrices humaines concernent l'astronomie. La première calculatrice scientifique humaine identifiée et documentée est Nicole Rennes-Lepot. Article Nicole Rennes-Lepot. Nicole Rennes-Lepot, 1723-1788, est une calculatrice et astronome française. Elle est l'une des trois calculatrices qui ont permis de prévoir la trajectoire et la date précise de la retour de la comète de Halley en 1759. Cette prévision nécessite des calculs complexes prenant en compte les déviations dues à la proximité d'objets célestes de la système solaire. 6 mois de calculs intensifs à 3 personnes sont nécessaires. Retour à l'article calculatrice humaine. Nicole Rennes-Lepot est une exception à sa époque. La profession est généralement fermée aux femmes. Mais cela change à la fin de la 19e siècle où des observatoires engagent des femmes pour calculer des coordonnées d'étoiles et collaborer à la cartographie de la Ciel. Article Carte de la Ciel. La projet Carte de la Ciel est un projet astronomique international destiné à relever les coordonnées astronomiques de plusieurs millions d'étoiles. La projet débute en 1887 sous l'impulsion de l'Observatoire de Paris et exploite la potentielle de la photographie. Les astronomes produisent les clichés photographiques qui servent de base aux calculatrices pour calculer la position de chacune des étoiles de la plaque photographique. Ces femmes sont surnommées les dames de la carte de la Ciel. Retour à l'article calculatrice humaine. La fonction de calculatrice humaine est souvent un travail temporaire en attendant une meilleure situation. Toutefois, l'introduction de méthodes scientifiques dans l'artillerie crée la fonction de calculatrice dans l'armée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les calculatrices humaines jouent un rôle primordial. En raison de l'enrôlement dans l'armée de la population active masculine, nombre de calculatrices non militaires sont des femmes, souvent diplômées de mathématiques. Apparaît alors la terme « kilogirl » pour désigner une nouvelle unité de mesure, la kilogirl, qui représente 1000 heures de calcul. Le recrutement de femmes est vu comme une moyenne de libérer les hommes pour un travail plus qualifié. Ainsi, la NACA, enceinte de la NASA, déclare en 1942 « On estime que les ingénieuses hommes, à la prix qu'elles coûtent, n'ont plus le temps de calculer les détails et qu'elle est plus avantageuse d'utiliser les services de calculatrices femmes. Et d'ailleurs, les ingénieuses admettent que les calculatrices font le travail plus rapidement et avec plus de précision. » Note de Robert Larousse. À la même époque, d'autres sectrices d'activité, comme les télécommunications, ont bénéficié d'une main-d'œuvre féminine dans des rôles similaires de petites mains. En France, les demoiselles de la téléphone en sont un exemple. Article « Demoiselles de la téléphone ». Une demoiselle de la téléphone, expression caractéristique de la téléphonie française, désigne, à partir des années 1880, une opératrice qui actionne une standard téléphonique pour établir les communications entre usagères, car la téléphone n'est pas automatisée à l'époque. Ces opératrices sont recrutées exclusivement parmi des jeunes filles célibataires dont l'éducation et la morale sont irréprochables. Elles perdent généralement leur emploi lorsqu'elles se marient. Leur fonction est de prendre les demandes d'appel des abonnés, puis de les mettre en relation. Les téléphonistes sont équipés d'une casque et d'une micro. Elles manipulent des câbles qu'elles branchent sur un tableau de connexion afin de relier les abonnés entre elles. Chaque téléphoniste gère une centaine d'abonnés. Les cadences sont souvent importantes. Le travail des demoiselles de la téléphone est éprouvant pour les nerfs, particulièrement aux heures de pointe où, malgré le faible nombre d'abonnés, les appels peuvent être incessants. Ces demoiselles sont aussi des cibles parfaites pour les clientes mécontentes. On leur reproche leur mauvaise humeur ainsi que la lenteur d'établissement des communications. Dans le contexte de la début de la XXe siècle, les abonnés sont surtout des gens fortunés qui ne supportent pas que la petite personnelle ait autant d'influence sur leurs affaires. Dans sa autobiographie, La demoiselle de la téléphone, Madeleine Campana décrit ainsi la centrale de la rue de la Louvre à Paris. Une salle immense, comme la nef d'une cathédrale. Celle qui pénètre dans cette lieu sainte ne voit que des dos sagement alignés. En arrière, plantée sur une bureau surélevée, la surveillante trône. Les dos n'ont pas la droite de présenter leur figure sans autorisation. J'écoute, j'écoute, j'écoute. Elle faut parler plus forte que sa voisine pour se faire entendre. Merci à toi. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça impressionnant. J'ai trouvé ça impressionnante, je voulais dire. Allez, on essaye. J'essaye. Parce que c'est un peu folle de se rendre compte. Une peu folle de se rendre compte que la masculinisation de la langage est tellement naturalisée qu'on ne se rend même pas compte que tout est fait au masculin. Que la langage a été faite par des hommes de l'Académie française. Et voilà, je reprends le français patriarcal, parce que là, je galère. Bon, en tout cas, voilà, c'est super intéressant de capter comment le langage est fait et comment le langage est aussi à l'image du monde dans lequel on vit, du coup, à l'image des dominations structurelles du monde dans lequel on vit. En tout cas, merci, c'était super. Merci, Anne, d'avoir partagé ce bout de lecture avec nous. Et du coup, ça a l'air qu'on va enchaîner sur une petite musique. Mais en tout cas, avant d'enchaîner, j'ai envie de dire merci à toutes et tous nos invités d'avoir participé à ce plateau. Plateau qui, rappelons-le, est un direct live de nouveau de rencontre THF, Transhack Féministe 2022, depuis Calafou, catalane, état espagnol, ou catalane, pas vraiment état espagnol, comme on veut. Et du coup, ce soir, c'était pour parler de médias féministes et d'autodéfense digitale. Autodéfense digitale qu'on peut aussi appeler soins digitaux, selon nos camarades qui nous ont appris plein de choses aujourd'hui, et c'était super. Et voilà, je pense qu'on va enchaîner avec un petit truc. Moi, c'est sur les serveurs féministes. Ok. On va enchaîner sur un petit truc pour se reposer, c'est-à-dire un peu de musique. Et ne ratez surtout pas notre live de demain, qui, espérons-le, commencera à 9h. Mais bon, si on nous coupe les legs, peut-être ça commencera à 10. Mais voilà, stay tuned. Et demain, ça sera sur les serveurs féministes avec d'autres camarades qui nous partageront, les serveuses féministes, qui nous partageront leur lutte, leur militantisme, leur projet, leur activisme. Et voilà, c'était super. Merci de nous avoir écoutés. Wouhou ! Ouais ! PH Live. Contact féministe convergence siete siete ete emi 2022 107 FM sur Radio Rageuse en direct. Merci à Joël et Lula pour la traduction dans tous les sens, à Myriam pour l'animation, Bobby et Demoniox pour les jingles en direct, Alex, Merlec et Clem pour la technique, à OOOOO pour le troubleshooting, à Anne pour les super dessins. Merci à toutes les participantes et auditrices de partager leurs connaissances et projets motivantes, et aussi à toutes les personnes qui ont rendu possible cette rencontre. Vous trouverez les liens des collectifs dont on parle sur la page des Tati Geek, sur le site radiorageuse.net et sur la documentation du THF. Zoïa Horn, Zoiahorn.anarchaserveur. Alors, anarchaserveur, anarchaserver.org. /THF en majuscule 2022.